Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Vald. Et c'est reparti pour une nouvelle soirée avec Vald. Joyeux Noël, Vald. Joyeux Noël, merci à toi. On a passé le réveillon ensemble hier. Ouais, c'était très affectif. C'était un sacré réveillon. D'ailleurs, on va revivre le moment, les moments qui se sont déroulés hier soir dans l'émission. Il y aura aussi des invités ce soir. Ce soir, je suis avec Teufa, ouais. Teufa. Qu'on présente plus, ouais. Teufa, le célèbre Teufa. Le célèbre. Tunisiano à ma droite. Et le non moins célèbre Tunisiano. Qui est là aussi, c'est ceux qui t'entourent, hein, ceux qui te. Exactement, ils sont venus m'épauler. Quel rôle ils ont autour de cet album, autour de tes projets, autour de toi, Vald? Ils sont là, ils disent ouais, c'est bien, c'est pas bien. Bonne ambiance, quoi. Il y en a un plus salaud que l'autre ou pas? Non, pas spécialement. Ils ont tous les deux des goûts qui leur est propre. Qui leur sont propres. Voilà, qui leur sont propres. Putain. Je t'aide encore, je sais. C'est que tu es salaud. Un très bon français aussi. Teufa, c'est Noël. Regarde, t'es habillé en Papa Noël encore. Exactement. Voilà. Oh. Tu sors des grandes vannes, là, Fred. Ouais, c'est chanfant. J'ai encore le truc de la veille, là. Il est venu offrir des beaux mâles. Bon, donc tout le monde va bien? Tout le monde va très bien. Je sais que vous avez hâte de réécouter ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Eh bien, réécoutons. Pendant que vous réveillonnez, Vald était à l'antenne entre 20h et 21h et il s'est passé ça. Skyrock, remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Ça va bien, Vald? J'ai ramené ma hotte. Ouais. Oh. Qu'y a-t-il dans ta hotte? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ta hotte, Vald? Il y a NQNT aussi disponible sur iTunes et ça, Google c'est très Play. Bien. Donc ça, c'est un bon cadeau pour les cadeaux de dernière minute. Hein. Si ta culture, c'est le port. Non, tu détruis, prouve comme un porc. Oh, bande sur détruit, j'ai la bonne dose à enfiler dans ton coin. Viens enquiller dans mon coin, c'est la boucherie des jambons. Tire un trait pour ta vie de cochon. Tire en deux pour ta vie de cochon. Bouffe une queue pour ta vie de cochon. Vide un verre, roule un terre. J'en profite et là sérieusement pour saluer parce que c'est vrai qu'on ceux qui sont seuls, notamment ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont en train de nous écouter, ceux qui sont en prison aussi évidemment, ouais. Qui fêtent pas forcément Noël et en ces périodes de fête c'est toujours un peu plus délicat. Donc voilà, une grosse pensée à vous. De la force pour eux. On pense à vous très fort et tous ceux qui se retrouvent seuls, mais avec Skyrock, vous allez pas être seuls, vous allez voir que Val est venu avec une grosse équipe. Planet Rap. Est-ce que toi t'as des souvenirs de cadeaux les plus réussis et les plus pétés qu'on t'a fait pour Noël? Ouais, on m'a offert un ballon de foot une fois, ça m'avait touché. Donc ça, beau cadeau. Ouais. Sympa. Ouais, non, vraiment bien. Et le plus pété Le plus pété là, comme ça là. Un GPS. Ah ouais, j'étais trop énervé quand on m'a offert un GPS. Mais t'as une bagnole, t'as un scoot, t'as un truc ou pas? Ouais, j'ai une voiture. Et alors GPS, non? Ouais, mais c'est un cadeau à la con, parce qu'on en a rien à foutre de recevoir un GPS le jour de Noël. Bah, pour t'orienter, pour te guider. Ouais, non, mais je parle en sale gosse, t'sais. C'est le cadeau de Noël de Vald. Il offre 30 minutes de freestyle avec beaucoup de monde au micro aussi. Allez, c'est parti, coup d'envoi de ce live. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry, Merry Christmas! Merry Christmas! Joyeux Noël! Oui! Joyeux Noël! C'est la guerre, c'est la même merde que la guerre. J'ai vu Cerber en Iker, Jack c'est la même verre qu'au pas d'Ev. Je répète, chaque taf c'est la DER, PD, chaque taf c'est la DER. Mais mes mères fait la gueule parce qu'on a pas des bons sénateurs. Moi j'ai un monde, j'perds à queue. Proto j'ai peur, j'ai pas de congélateur. J'prends jamais de congé ma gueule. Venez pas me ronger la teuf sans même longer la feuille des yeux. J'ai des paroles assez rudes et j'ai plus de vices que de vertus. Alors un jour je te prendrai à part pour te dire ce que je m'excuse. J'ai bien plus que de l'innocence dans les veines et j'en ressens l'effet quand je plie vos samples les soirs de pleine lune. Pourquoi casse-pied votre encre? J'en tremble. Si je te rentre dedans, tu risques de perdre nous de tes 32 ans. Voilà le discours que je tiens parce que c'est ce que les gens me demandent. Maman, t'as au monde la prochaine légende de France. J'essaye de m'en sortir comme mes fils d'immigrés. J'arrive pas à dormir dans ma tête, y'a 6000 idées. J'ai pas attendu lunatique pour être civilisé. Initié à un monde où la haine se trouve en illimité. Confidence pour confidence, je vois que des ambulances et qu'on me finance ou en freelance. Mes compétences ont confiance, mais confine l'entrée. J'arrive en me tortillant. Si on se détruit la vie comme des tocs, c'est pour être sûr d'être encore vivant. Voilà, c'était hier soir, gros live offert par Vald et ses invités dans l'émission. Live, grosse soirée. Exactement. Grosse soirée du 24 décembre et ce soir c'est encore une grosse soirée. Il y aura un live par contre ce soir, plus repos. Hein, ouais, plus repos. C'est le lendemain de fête là. Un petit live de partout à Tis, histoire de rappeler aux gens qu'on sait super bien rapper. C'est vrai. Tous les jours on leur rappelle. Ça s'appelle NQNT, à découvrir toute la semaine entre 20 et 21. Tiens, Tunisienne, dis-nous un petit mot sur Vald. Parce que je me souviens que les premières fois de, quand j'ai entendu parler de Vald, quelques petits mots. Pour moi, c'est le meilleur de sa génération. Que je trouve qu'en termes de rap, techniquement, il est botte. Il botte tous. Sans fausse modestie. Hein. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Et après, qu'est-ce que j'en pense? C'est que je trouve que le mec est perché, il est atypique, il a son style à lui. Et c'est ce que j'aime. Donc après voilà, même si on est dans deux mondes vraiment différents, hein, rapologiquement parlant, ça peut être surprenant que je puisse poser le doigt sur un artiste tel que Vald, mais je trouve qu'il y a du génie, donc c'est pour ça. Quel rôle t'as eu toi sur le projet de la NQNT? Écoute, la casquette de producteur, hein, ça veut dire que je donne mon avis, on se concerte toujours en famille, ça veut dire que on discute énormément, on se met au clair et puis on avance quoi, comme on a toujours fait. Avec Tofa, qui est dans l'équipe aussi. Alors Tofa, toi aussi, quel rôle? Alors on sait que là il y a plein de sorties pour toi qui arrivent, il y a Lino sur lequel t'as bossé. Ouais. Le 12 janvier. Et Vald, quel rôle dessus? Plus léger, plus impliqué? Non, moi je fournissais l'alcool, les femmes et le café. Parce qu'il a besoin de créativité. C'est pour ça qu'il a plein d'artistes. Ouais. Non, mais Vald, pour l'instant, on parle beaucoup, mais j'aime beaucoup son univers. Et je voulais. Avec Tunisiano, on avait décidé de ne pas rentrer dedans et d'essayer de toucher à ce délire et à cette folie là qui nous plaît bien. Et donc j'essaie juste de canaliser de temps en temps, parce que si on laisse tout faire, je vais en prison. Ah ouais, à ce point. Ouais. Et puis je disais que c'était le meilleur de sa génération. Moi, on verra ça vendredi dans le gros freestyle. Puisque il y a des sacrés cogneurs. Ah oui, c'est vrai que demain il y a une grosse soirée de prévu. Ouais, il paraît Vald. Ouais. Non, t'as abandonné, t'es parti déjà? Non, il est sur répondeur. Donc on le saura demain. Laisse-lui un message, il te rappelle. Rendez-vous demain entre 20 et 21. Et puis là on va passer aussi une bonne soirée. On débute avec un morceau extrait d'NQNT. Voici Vite Cochon. Si. Si ta culture c'est le porc, non, tu détruis, bouffe comme un porc. Gros, bande sur détruit, j'ai la bonne. L'autre a enfilé dans ton groin, viens enquiller dans mon coin, c'est la boucherie des jambons. Tire un trait pour ta vie de cochon. Tire en deux pour ta vie de cochon. Bouffe une queue pour ta vie de cochonne. Vide un verre, roule un terre. Appelle-moi vie de cochon. C'est la fête. Mon dernier neurone s'est barré, j'ai fini le stock. Depuis que nous sommes séparés, je baise la nounou, c'est mamelle. M'applaudit, c'est gravel, rap sa vie bof. Alors que je la monte sur l'étagère si j'amène mon pote Christophe. Et que t'as une chatte, dis pas merci ma belle. Et attends l'épilogue, je bouffe comme un porc, fourre comme un tout ce qui m'importe, c'est pouvoir fourrer mes deux boules dans ta gorge fine. Ouais, les filles de joie si peu malines m'attendrissent. Je m'endors plus tranquille le soir où les vipères m'envahissent. Où je deviens parano, donc fais des tours lentalgiques. Où je t'envoie à la morgue. Apparemment, si j'ai peu d'amis, c'est rien. Ça en fait moins à partager sur mon spark qui s'éteint. Dans mon navire, j'ai plein de loisirs à foutre à l'eau. Mais dès lors, je coule alors. Si ta culture, c'est le porc, non, tu te détruis, bouffe comme un porc. Gros, bande sur détruit, j'ai la bonne. Dose à enfiler dans ton groin, viens enquiller dans mon coin, c'est la boucherie des jambons. Cette génération m'a rendu malsain. Mat que j'ai 4-1 dans l'esprit quand j'en tape 5, je suis v'là le bingue. Je vais méditer quand t'auras besoin. J'écoute tes problèmes dont j'ai pas besoin, c'est vérifié. On parle de rien sauf de drogue, de corps qu'on mutile, de bord dans les loges, bon, donc de musique. Et c'est con, je te l'accorde. J'avoue tristement, c'est pas l'homme qui prend la tise, dans la tise le prend. On pactise le vendredi soir avec les porcs. Jusqu'au vendredi d'après, tant que la zeb est bonne. Mes super junkies narguent le démon. Vite comme une bulle d'air meurtrie par le béton. Et je vais pas me lever tôt, mais ça tu le savais déjà. Toujours à chlasser des chats, tu grondé par le veto. Ok, la corde au cou, les vivants pleurent beaucoup. Mais est-ce que les morts roucoulent? Si ta culture c'est le porc, non, tu te détruis, bouffe comme un porc. Gros, bande sur détruit, j'ai la bonne. L'autre a enfilé dans ton groin, viens enquiller dans mon coin, c'est la boucherie des jambons. Tire un trait pour ta vie de cochon. Tire en deux pour ta vie de cochon. Bouffe, bouffe une queue pour ta vie de cochonne. Vide un verre ou l'inter. Appelle-moi vite cochon. Non, je veux pas vous vexer. Vexé moral, sexe, dommage de s'excuser d'être un excellent schlag. Cesse de penser que c'est bon tant que tu prends pas de cesse. Fais ce que tu penses être bon, mais surtout ferme tes fesses. Non, je vais pas vous vexer. Vexé moral, sexe, dommage de s'excuser d'être un excellent schlag. Cesse de penser que c'est bon tant que tu prends pas de cesse. Fais ce que tu penses être bon, mais surtout ferme tes fesses. Oui, BLD cousin. Mon frère vous aurait dit c'est pour ça que vous avez lâché la religion, hein. Si ta culture c'est le porc, non, tu te détruis, bouffe comme un porc. Oh, bande sur détruit, j'ai la bonne. L'autre a enfilé dans ton coin. Viens enquiller dans mon coin, c'est la boucherie des jambons. Tire un trait pour ta vie de cochon. Tire, tire en deux pour ta vie de cochon. Bouffe. Bouffe une queue pour ta vie de cochon. Vide un verre ou l'inter. Appelle-moi vite cochon. Vite ah oui, cochon à l'instant. C'est sur Skyrock, c'est dans le Planète Rap consacré à Val. Qu'est-ce qu'il y a Teufa? Je te sentais Ah non rien, tranquille, ouais. On rigolait, on se vanne. On fait ouais. Que ça. Bien en studio. Ça avance bien les projets. Bravo. Non, t'es en train de parler de l'album et du prochain EP. Hein. Je lui disais qu'on était en retard et qu'il fallait qu'il vienne au studio. Ah oui, parce que là, t'as quand même tes trois producteurs, parce qu'on n'a pas salué aussi, évidemment, celui qui est là depuis le début de la semaine. Tout à fait. Mercus qui est là avec nous ce soir aussi entre 20. Et c'est les trois personnes qui t'entourent au quotidien. Exactement. Donc là, ça parlait stratégie, quelle sortie, quand, comment. Tout à fait. Et alors? Et alors, tout est confidentiel. C'est X-Files. Non, mais on revient très vite avec un deuxième EP là, qui va arriver, je pense, dans les prochains mois. Très bien, donc là 2015, il y aura du Val. Ouais, il y aura du Val, c'est sûr. Logiquement. Et il y a une tournée aussi, je sais pas si t'as des dates tout ouais, près de toi. Ouais, j'ai les dates. On va les retrouver, donc tournée 2015 pour voir Val. Alors un coup c'est des plateaux, un coup c'est t'es en solo, c'est ça? C'est ça, alors on a un gros solo à la Maroquinerie le 15 avril, que je vous invite tous à prendre vos places d'ores et déjà. Sinon on a le 23 janvier au Ferrailleur à Nantes, le 14 février au Cap à Aulnay, le 21 au Fil 7 à Magny-le-Hongre, le 7 mars au Canal 93, le 13 mars à la Lune des Pirates à Amiens, le 20 mars à Noumatrouf à Mulhouse, le 28 mars à la MJC de Honnête à Honnête-le-Château, le 9 avril au Grand Mix Tourcoing. Très bien, donc à suivre les dates aussi, ouais, puis sur les réseaux sociaux. Voilà, sur son Facebook tout ou sur son Facebook, Twitter. V-A-L-D. Voilà. Et le Twitter VLD. Et il y a toujours le site aussi de VALD avec un pull à vendre. Voilà, on cherche des preneurs. Voilà, plutôt que de freestyler là, hein, le pull il est à 10 000 euros aussi. Voilà, il est à 10 000 euros. Attention, dans le rap, mais il faut aligner, hein, les gars. Hein. Ouais, non, mais il y a des collecteurs quoi. Ah, il y a des collecteurs. Ouais, d'ailleurs, elle a failli miser son pull dans cette histoire, Val. Ça, peut-être qu'on aura plus de réponses demain. Je vous conseille d'être là entre 20 et 21. Tiens, Val, comme il y a Tunisiano aussi, est-ce que toi, Sniper fait partie des références ou les albums solo de Tunisiano? Est-ce que c'est quelqu'un que t'as beaucoup écouté? J'ai beaucoup écouté du Rire aux larmes. Mm-hmm. J'avais le single parce qu'il y avait le clip dessus. Gravé okay. Dans la roche aussi, c'était bien. Mm-hmm. Babylone brûle. Brûle, ouais. Ouais, tout ce qui est très commercial en fait. C'était génial. Eh bien, tu sais quoi, Vald, on va voir si tu es très fort en Sniper et Tunisiano. Petit quiz maintenant sur Skyrock. Vas-y. Donc, alors, on va dire, attends, parce que Tunisiano, tu vas être un petit peu arbitre de tout ça, sinon c'est trop simple pour toi. On dit quoi, une équipe avec Vald face à Teufa et Mercus ou Mercus avec Vald? Qu'est-ce que. À toi, non, Tunisiano. Tunisiano, tu choisis l'équipe. Allez, je mets Mercus avec Vald et je vais mettre avec Teuf. Mais non, mais toi, c'est Tunisiano, ouais. C'est trop simple pour toi. Bon, alors, c'est quoi les équipes? C'est moi contre eux. Voilà, ils sont deux contre un. Bon, allez, mais fais gaffe, il y a au moins la moitié des deux albums, on l'a produit avec Mastin. C'est pour ça, ça veut dire on va mettre Teufa tout seul et on va mettre. Ouais. Alors, je me rappelle plus des titres. Vas-y, fais le quiz avec moi. Teufa en solo, ou alors vous faites un affrontement Teufa Vald, hein? Vas-y, je vais le laisser gagner. Allez, ouais, ok, Mercus Tunisiano en arbitre. Ok, Teufa versus Vald. Le plus rapide, il me faut le titre, hein. Vas-y. Il me faut le type, sinon c'est trop simple. On fait semblant d'être heureux de sourire. Ah, Teufa. Il est trop dur la question, il est trop dur le saumon. Dans le regard des gens. Un moment d'absence. Ah non, parce que j'adorais, mais je sais que j'adore ce titre. C'est dans son premier solo. Il semble que d'accord. Je l'ai dit plus vite. Mais le point, c'est Vald qui l'a dit en premier. Rapidement. Il me semble que le point est pour Vald. Oui, bien sûr. Attention, on accélère. C'est pour ça avec le titre au début. Quoique. Tu es parti. Oh la soufflette! C'est pas tu es parti, c'est. Non, c'est pas vrai. C'est pas tu es parti. Sans repère. Il y a une Bang, bang, bang. 2-0 pour Vald. 2-0 pour Vald. Ça, t'as vachement produit, hein, dans le bon. C'est pas mes titres, cela. L'investissement. T'es sûr, Tefa, que t'as bossé dessus? Non, pas du tout. Mais pour le coup, j'en ai fait beaucoup des albums depuis. D'accord. C'est moi le mec. Il est plus jeune que moi. Putain, il a la moitié de mon âge. D'accord. Tefa, on a compris. On sait que tu n'arrêtes pas. On sait que tu es l'homme qu'il faut coller. Il faut coller ton nom sur l'album. Wow. C'est obligatoire. Wow. Bon, attention, concentration. 2-0 pour l'instant, Vald. Troisième extrait. Simple. Ramé dans Roche. Voilà. Sorti de nulle part. Tu l'avais pas écouté en vrai. Non, mais je voulais lui laisser parce que bon. Et ouais. tu aurais pu ajouter si tu étais bon, c'était en live. Oui, le live. Ouais, au Zénith. Attends. C'est au Zénith de Toulouse. Ouais, mais c'était au Zénith. Jolie précision. Pour le plateau Rap R'n'B. Ouais. Génération Rap R'n'B. Bravo, Mercus. J'ai envie de. Si tu jouais. Ça, c'est précis. On t'aurait accordé deux. Il y en a qui ont gagné de l'argent sur ce truc-là. Je dis pas qui. On en a combien là, qui est les arbitres? 2-1 pour, Vald. Très bien. Mais Vald, tu dois gagner. Il reste encore normal. Deux extraits. Vas-y. Tout est possible. Babylone brûle. C'est Babylone. Mais c'est pas Babylone brûle. Brûle. Bon, le point est quand même pour Vald. Hein. Voilà. Et allez, pour l'honneur, le dernier, celui-ci, il faut le trouver. Je l'ai jamais entendu ce titre. Jamais entendu. Ah, il était dur celui-ci, il était dur à trouver. C'est équivoque. Mais le titre n'est pas dans la chanson. Ça n'a pas de sens. C'est pas équivoque ça. C'est équivoque. C'est équivoque. Ah putain. Premier album solo. Bon, je crois que le blind mais test. Mais j'aimais pas ce titre. Le quiz est largement 3, remporté par Vald. Ouais, 3-1. Ouais, 3-1, vas-y. 3-1, bravo. 3-1, facile, bravo. C'est bien, en plus tu t'inclines d'une manière sportive. Bah oui, bien sûr. Et puis ça, c'est le meilleur, Vald. Allez, tiens, tu vas avoir le droit, Tefa, pour te consoler de choisir un morceau. Qu'est-ce qu'on met maintenant? Quel morceau il faut mettre maintenant? Extrait de NQNT. Ouais. Le projet de Vald qui est dispo, hein, toujours dispo. On peut aller cliquer pour récupérer. Bah, comme il m'a mis en PF. On met PF. D'accord. Et bon, on l'écoute. Eh ben, écoutons. Qui dit un mot sur celui-ci? Moi, je vais dire un mot, c'est excellent. C'est une expression que Aketo utilise souvent et il en a fait un titre. Ah oui, ouais. Voilà. Et donc, nous, au studio, on dit tout le temps, on est en PF, voilà. Et ben, lui, il en a fait un titre. Ouais. C'est vrai. Qui veut dire pleine forme? Pleine forme. Ou bien ouais, plein ça, froid. Ouais, bon. Ça marche pour tout, PF. On est tout plein d'acronymes sur NQNT. NQNT, c'est l'album de Vald à découvrir entre 20 et 21 sur Skyrock. On balance ce morceau. Mais toi, VLD, t'as pété une canette, toi, mon frère. On arrive ici dans le studio, on sort des expressions, ça fait un morceau dessus direct. Eh, oh là, ils ont pété une canette ici, là, c'est la finale, ça. Comment ça, t'es en PF? D'après toi, t'es en PF? Oh, bah, je suis en PF, normal, je suis en PF. D'après lui, il est en PF. Bon, c'est la finale, ça. À peine un pied sorti de la caisse. On me dit VA tu rappes bien toi. J'aimerais beaucoup te présenter ma nièce. C'est elle qui m'a mis au fin par. Elle pense toutes les nuits à toi gars. Faire donc et punch à la matraque. Et je suis certain que t'es pas un bâtard. T'as un grand cœur sous la façade. Ouais la vie doit me suis en PF. J'ai pas signé sur la BS. J'aime bassiner les travaux tirer. Les cavassiers c'est ce que je préfère. Cavalier si nécessaire. Gentil jusqu'au dessert. T'auras pas à prier de me laisser faire. Je vais te remplir jusqu'au décès. Ouais la vie doit me champer. Ouais la vie doit me champer. Ouais la vie doit me champer. Ouais la vie doit me champer. Même sans bulle dans mon champagne, je me sens plus en bon, je t'en parle. Frère ça pue le savon dans le face. Frère inquiétant putain passe. Même sans bulle dans mon champagne, je me sens plus en bon, je t'en parle. Frère ça pue le savon dans le face. Garde tes talons pour l'entraque. Mes pensées machiavéliques sur le côté. Je vais pas cramer ces fils de pute. H24 range ta tape, ça m'évite de faire semblant que ça mérite un brinda. Tension, ça m'épuise et puis ça fait trop de choses à décrire à l'église, à l'évidence. T'aimes bien masser des bites pour l'académie, c'est péché. Pas de galère, je suis en PF. Saloperie dans l'OCB. Les franges peroxydées font que c'est gosillé. Rêvent leur cul dans une féfé. Rien qu'ils passent en revue ce qu'ils détestent. Hallucine sur mes fresques. Grand zen sur les vestes. Le suspense est pas le célébrant avant de venir. Prie pour que ce soit le cas. Il pourrait te casser les jambes dans le cas contraire. Clic boom ouais. et c'est assez gênant. Sans blague mon frère, laisse les passer les grands. J'aime bien faire valser les membres et c'est chromosomique. Charme à trop aux Zoé, j'ai pas que les éléphants qui l'embrassent et les grands. Ouais, la vie doit me chanter. Ouais, la vie doit me chanter. Ouais, la vie doit me chanter. Ouais, la vie doit me chanter. Même sans bulle dans mon champagne, je me sens plus en bon, je t'en parle. Frère, ça pue le savon dans le face, frère inquiétant, putain, passe. Même sans bulle dans mon champagne, je me sens plus en bon, je t'en parle. Frère, ça pue le savon dans le tas, garde tes talons pour l'entraque. Prière de pas déranger. Mes esprits dérangés, restez tranquille, j'ai du C4, des substances mélangées. Ça peut faire mal, Bérangère. Là, je te surprends, médusé. V en PF, c'est l'enfer. Logi Max fait éventrer. Prière de pas déranger. Mes esprits dérangés, restez tranquille, j'ai du C4, des substances mélangées. Ça peut te faire mal, Bérangère. Là, je te surprends, médusé. V en PF, c'est l'enfer. Logi Max fait éventrer. Voilà, ouais, la vie doit me chanter. Ouais, la vie doit me chanter. Ouais, la vie doit me chanter. Même sans bulle dans mon champagne, je me sens plus en bon, je t'en parle. Frère, ça pue le savon dans le face, frère inquiétant, putain, passe. Même sans bulle dans mon champagne, je me sens plus en bon, je t'en parle. Frère, ça pue le savon dans le face, garde tes talons pour l'entraque. C'est Skyrock et c'est Planète Rap consacré à Vald avec ce morceau à l'instant. Donc on dit PF. On dit PF totalement. On dit PF à l'instant. Ou bien PF. On est en total PF là. En total PF. Réveillon, tout le monde. Ah bah là, on l'entend depuis tout à l'heure. C'est la joie de vivre. Bon, dans quelques minutes, il y aura un live aussi, Vald, avec toi. Exactement. Tu nous feras le morceau Partout Tatis. Exactement. Et qu'est-ce qu'on mettra d'autre de l'album? Qu'est-ce qu'on va balancer? Enfin, du projet. Si tu veux, on peut se mettre M Regarde, qui est un morceau bien particulier et c'est intéressant de le mettre sur Skyrock. Et alors pourquoi? Ou bien Aulnay sous bois, c'est comme tu veux. Bah, M Regarde, c'est un morceau. On peut mettre les deux, hein. On aura le temps. Hein. Disons que ce n'est vraiment pas dans les codes radiophoniques. Du coup, c'est marrant de le mettre. Mais quels sont les codes radiophoniques? Bah, tu sais, un truc très enjolivé. Disons efficace. Ça, c'est un truc, c'est marrant parce que tu dis ça, c'est un truc auquel vous pensez, tiens, Teufa, Tunisiano. Est-ce qu'on pense forcément, quand on bosse sur un album, il faut des titres radio, il faut. Non, je pense plus comme ça parce qu'en général, plus t'essayes et moins t'y arrives. Mmh. Ouais. Donc, je vois même avec, à l'époque de Sniper, jamais les titres qui ont été faits enfin, les titres ont été faits, on n'a jamais été ceux qui ont été joués en radio. On se disait, on va faire ça, et en vrai, ça fonctionne pas. Et en plus pas. De ça, particulièrement par rapport à Vald, on s'est interdit de chercher à plaire à qui que ce soit. Ouais, ou à le rendre plus ou moins formaté. Stream, ça, etc. Ouais, je pense que c'est son univers. On a vraiment voulu le laisser dans son univers à lui et le laisser mener sa barque. Après, on est juste intervenu sur. En termes de sonorité, en termes de 2-3 bricoles comme ça, mais c'est tout. Et ben on écoutera ce morceau, donc Elle me regarde, loin des codes, comme le disait Vald. Ce sera dans un instant. Vous attendez sur Freestyle de Planète Rap, 41-759 pour les inscriptions. Bougez pas, on revient après ça. Comme toi. Vald a lui aussi choisi Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. En se demandant ce que j'attends pour l'apprendre, lui apprendre la vie comme le faisaient ses parents, c'est marrant je te jure. Et dire que j'y croyais plus, est-ce que la folie dans ses yeux c'est ce qui a coupé l'arrêt de bulle? Et je m'en rappelle à l'arrêt de bus quand j'étais triste que tu partes. Et puis dire que l'usure n'était due qu'aux nuages qui traînaient par là, souvent stagné dans ma tête. Maintenant que t'es de retour, enlaçons-nous sans latex. J'ai souvent pensé à toi avec ma vésicule biliaire, sur toi de provoquer des fissures diverses. Et puis merde, c'était dur l'hiver, y'avait de quoi se mutiler, non, de quoi se fusiller tranquillement. Elle me regarde toujours aussi bonne, me raconte sa vie pas si folichonne. Alors je l'ai prise avant que le vomi sorte et j'apprends que je lui avais manqué lorsque je la saucissonne. J'ai laissé du sang, mon mari m'entend. J'ai laissé du sang sur tous les rigolos. J'ai laissé autant, mon air innocent. J'ai laissé du sang. J'ai laissé autant, mon air innocent. en se demandant juste pourquoi. Sournois, j'ai passé tout le soir à rester courtois. Pour moi c'est logique de faire semblant d'être un mec sans plan. Derrière la tête c'est mon geste, t'en penses quoi? Si j'arrêtais la comédie deux secondes, que tu débattes dans cette atmosphère de skunk. À l'abdomen je plante le décor direct, je dévore viscères et force ma migraine à descendre. Sérieux, c'était pour ça que j'ai gâché mes nuits. Hey, les tripes à l'air, t'as l'air assez débile. J'ai l'impression que t'as compris, c'est pas mon vice d'être rancunier, non. Mais les fantômes qui va les enfumer. Hey, les yeux ouverts, toujours aussi bonnes. Je sors des blagues, pas si folichonne. Alors je l'ai prise avant que le commissaire ne se pointe, me sermonne, me surnomme, salaud de poire ignoble. J'ai laissé autant mon air innocent. J'ai laissé du sang sur tous les rigolos. C'est Val, notre invité toute la semaine entre 20 et 21. NQNT, c'est le projet qui est dispo avec ce morceau. Exact. Elle me regarde à l'instant sur Skyrock entre 20 et 21. Tiens, profitons-en aussi pour saluer tous les gens qui ont bossé en prod avec toi sur le projet Val. De fou à BBP qui est encore là aujourd'hui, qui a produit beaucoup de morceaux, qui a produit Vite Cochon, qui a produit PF, qui a produit Autiste, qui a produit, je dois en oublier là, comme ça, horrible. Succombe Lazadé qui a fait l'intro, SQFD, Cory qui a fait Shoot un ministre. Sirius qui a fait M Regarde qu'on vient d'entendre à l'instant, Dolor qui a fait Olney Soubois et Sullivan. Voilà. Et puis ceux qui t'ont encadré, qui sont là avec toi ce soir, il y a Mercus, il y a Tefa, il y a Tunisiano. Totalement. Ceux qui parlent justement ce qui va se passer pour toi par la suite. C'est ceux qui m'encadrent, ceux qui prennent soin de moi. C'est quoi d'ailleurs, vous avez une idée de l'objectif, comment est-ce qu'on développe un nouvel artiste comme Vald, vous qui avez une grosse expérience maintenant du terrain? Ben par le terrain, et surtout là, ce qui est bien sur Val, c'est qu'on fait énormément de concerts. Et d'ailleurs, je remercie tous les gens qui demandent après Val en concert. Et je pense que nous on a compris avec le temps que d'aller chercher son public sur le terrain, c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc on va continuer à sortir des projets, donc des petits projets, des EP, continuer à travailler la scène, développer sur les réseaux, et puis après attaquer avec un album. En même temps là c'est quand même 12-13 morceaux, donc parce que c'est vrai que le EP, on a l'impression que c'est un format court, mais c'est travaillé comme un album de toute façon celui-ci, non? Ouais, mais il y avait des titres qui étaient déjà présents sur d'autres projets obscurs de Vald qu'on a récupéré, et puis je pense que lui, on a mis du temps à le sortir pour des histoires de business, et je pense que lui il a d'autres choses à dire maintenant que. Il a envie de montrer ce qu'il fait maintenant, pas ce qu'on a enregistré il y a 7 ou 8 mois. Et j'invite aussi tout le monde à aller voir les clips de Vald sur ses chaînes YouTube, parce qu'on a fait un gros travail d'image aussi. L'univers et la folie artistique de Vald permettent de sortir de certains carcans habituels du rap, ce qui permet un peu plus de liberté et un peu plus de folie. Donc on s'est tapé des bonnes barres, on a essayé de proposer des concepts un peu innovants dans les clips, on a essayé d'apporter une certaine qualité, chose qu'on va continuer d'apporter par la suite. Donc j'invite vraiment tout le monde à aller voir les clips également et à laisser votre avis. Voilà. Bah il y a le live que tu nous feras de partout à Tis aussi, les images qui sont dispo aussi, qu'on peut mater. Donc, et puis il y en a plein d'autres. Hein, ouais, les frissons qui sont déjà sortis les jours précédents. Régalez-vous. Et vous pouvez nous voir en direct sur Dailymotion aussi. Et bah très bien. Allez cliquer, vous verrez les images du live de Vald. Ce sera tout à l'heure là, à partir de 21h pour retrouver le live. Tunisiano, toi, la première fois que tu as rencontré Vald, le premier souvenir que tu as de lui? Un joli pull. Qui est en vente maintenant? Ouais, il m'avait marqué. Non. En fait, non, je l'avais trouvé à la fois très simple et en fait, j'avais du mal à le cerner parce que j'avais l'impression soit il s'en battait les couilles de tout. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, en fait, il s'en battait les couilles de tout. Et en fait, ouais, non, je l'ai trouvé drôle. Et puis, ouais, je l'ai trouvé très, très acharné. Mais c'est quoi, toi? C'est un lien qu'on t'envoie? C'est un moment que tu le croises quand tu... Non, écoute, scène, on était avec Mercus, tout simplement. Il m'a montré un freestyle de Vald. Dédicace à Demolition. Voilà. Stick et Screech. Et puis, franchement, ça nous a parlé. Hein, ça nous a parlé. Donc, après, à partir de là, on s'est concerté en équipe et on a dit, bon, faut qu'on le rencontre. Aussi qui est arrivé dans l'aventure. Ouais. Moi, quand j'ai vu la première fois, j'ai dit, mais c'est quoi ce mec? Où est-ce qu'on me l'a trouvé? Hein? Où est-ce qu'on l'a trouvé? Tu sais pas s'il se fout de ta gueule ou il est sérieux en réalité. Bah peut-être les deux d'ailleurs. Ouais, je pense qu'il se fout sérieusement de ta gueule. Voilà, c'est ça en fait. Je pense que c'est ça en fait. Avec Vald. Non, je suis pas sûr. Vald, allez, un peu de confiance. Tu te fous de notre gueule? Non, pas du tout. Hein. Non, c'est. Je sais pas. Je sais pas si je me fous de votre gueule. J'hésite en fait, encore. J'hésite encore. C'est un cri du cœur. Bon, on écoutera un morceau dans quelques minutes. On est dit Aulnay sous bois. Ouais, ça va. Ta ville, ton endroit, ton repère, ton terre-terre. Si, le terrain, la famille, pour les frères du ghetto. Aulnay sous, dans un instant et juste avant, tiens, on va aller faire un tour du côté de Toulouse, rejoindre Lewis. Salut Lewis. Oui. Ça va bien, Lewis? Ouais. Eh ben, bienvenue. T'es prêt à freestyler? Bien. C'est l'heure du freestyle par téléphone. Bienvenue, Lewis. Ah, Tu connais, hein. Si, bonsoir à vous, les gars. Salut, gros. Bonsoir. Lewis fait partie d'un groupe qui s'appelle Comme d'hab, le groupe. C'est ça, exactement. Et ben, on t'écoute rapper. Session freestyle. Vas-y. Par téléphone, on y va. C'est comme d'hab, la famille. Ouais. À quoi ça sert de parler si ce n'est que pour gaspiller ta salive? Je me sens pas concerné par tout ce que tu racontes dans ta insoulée. Par tes paroles j'aurais dû suivre une thérapie. C'est pas en restant planté là que sortirait des textes qui déracinent. Donc je fais tourner ma vie pour faire partie des all-stars. Si la nuit porte conseil, dis-moi pourquoi moi je fais des cauchemars. Je persiste à me dire qu'il est temps d'enfiler les gants, car trop de petits périssent se pensant dans leur élément. Perso moi ça me dégoûte, mais j'en ai rien à foutre et je continue ma merde. Aïe, tu connais, laisse tomber, tu bug, on repart la famille, hein. Laissez-moi, je suis tellement ailleurs que là, je réponds rien. J'arrive sur l'instru comme un cascadeur. Ouais, je tombe bien, je suis loin d'être bon en maths, eh. Pourtant, je compte bien taper dans la caisse, prendre tout ce qu'on tient. À vrai dire, c'est pas ce qu'ils s'imaginaient. Si j'envoie des rimes qui claquent, c'est pour qu'ils se fassent gifler. C'était encore ou à plus mille de mini maximé. Je te trouve plutôt mini, papa de Walt Disney. Il me parle de marque, j'y dis à la page de Drey. J'en parle du Canada, j'ai l'esprit des canaux. Il me parle de cash, j'en parle de Tabata. Ils veulent lancer des pics, pourquoi le gars, j'ai pas la rage. Vous allez tous finir couverts de bleu comme les mecs d'Avatar. Ah le bâtard, m'a dit coup de poil et on dit. Tu connais, si je m'appelais Sacha, j'aurais attrapé Ondine. Ah, fini le banditisme, ah nigga, fuck that shit, tu connais le boy. Ok, Lewis à l'instant, bien carré. Merci à toi Lewis. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net? Vas-y, balance les adresses. Vas-y, bah déjà premièrement, alors tu peux me retrouver sur Facebook, COMDAB, COM'DAB. Donc pour le groupe comme d'hab. Voilà, tu vois, à la base on est deux, mon poteau Ice là, t'as vu lui là, il est à direct de tour là-bas à la maison. Et moi là c'est moi un peu qui vais montrer un peu la famille, tu vois. Et bah c'est ce donc qu'on a voilà. Pu entendre Lewis à l'instant avec toi. Donc ça ouais voilà. Et donc aussi je voulais faire aussi passer un message pour tous les gens du sud, pour tous les gens qui kiffent le rap. On a été sélectionnés aux auditions des Inouïs du printemps de Bourges. Mmh. Donc tous ceux qui veulent nous voir, venez, ça se passe le 5 et 6 février. C'est où? Au métronome à Toulouse. Au métronome à Toulouse, 5 et 6 février. Voilà, c'est gratuit, tout le monde peut se ramener. Et ça va être le feu. Nous, on va foutre le feu en tout cas. Pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, on va leur montrer c'est qui comme d'hab. On a noté comme d'hab 5 et 6 février du côté de Toulouse au métronome. Si, la famille. Merci à toi, Lewis. Ok, bonne soirée à vous, les gars. Salut, Lewis. Ciao. Bonne soirée. Allez. Ciao. Oui. Ciao. Passe une bonne soirée sur Skyrock. C'est Vald, notre invité, le projet NQNT. Moi, avant de mettre Aulnay, je voulais faire une petite dédicace puisque moi, je suis originaire du 9-3. Donc, je voudrais dédicacer Bondy, toute la Seine-Saint-Denis, Blanc-Coxou. Fianso Man, Kala, Virus et Mac Tire, Mac Gregor, parce qu'ils font partie aussi Tandem. De mon histoire. Ouais. Voilà, donc je voulais big up tout le 9-3. Il cassait Mousse et Bajo Style et le gros Biggie. Et Biggie, ouais, ben oui, Biggie. Et bon, on peut balancer tout maintenant. Val, pas de dédicace, rien, pas d'amis. Fini. Si, dédicace à mon frère, dédicace à mon père, ma mère, dédicace à tout Aulnay sous. À tout Aulnay sous bois. Ouais. Je veux dire que presque tous ces gamins ont des noms qui vous en mettent plein la vue. Ils se prennent tous pour des lures. Pour la plupart, c'est de la frime. Juste une bande de branleurs. Mon quartier fait trembler la province. Les histoires de drogue, ça fait danser les gros seins. Mais c'est pas négociable. Si tu galères au sein de l'arène, t'auras pas de McLaren. Juste des traces et des molars bruts. Hey, regarde les graphes, c'est les beaux-arts qui décorent le chantier pendant qu'un frérot canne. Entre autres, enchaîne tous ces allées au ch'tard. Traîne autour sans gêne, fini d'apeurer vos chattes. C'est moche, mais c'est pas la majorité, les gosses. J'paierai pas pour eux, j'ai d'autres mecs à horrifier. Rien à prendre, les détailler pour m'acheter vos chocs. Là, tu comprends que j'ai tout à faire aux chiottes. Note, tout le quartier s'est dégradé, les années passent. Les schlacks sont comme des moustiques, les tours, les marécages. Ils piquent et planent sans l'éviter. Et j't'expliquerai pas que personne peut les virer. Mais nique sa mère, on les côtoie sans les imiter. Frère, j'vais pas nourrir la légende sur les initiés au vol, aux drogues, aux drogues d'âme contre un bout de shit ou au glock braqué dans ta bouche, nique vos morts. Ce mal est nécessaire pour comprendre que glorifier la merde, c'est nocif. Mon grand, le mécanisme a commencé. J'encule les Kaira, les Kamé, acclamé les calmés comme un comme mon clan. C'est pas les plus ennuyeux, je te rassure, c'est qu'on parle d'autre chose que de l'actu de la rue. Poto, y'a des dalbés aux valeurs éparpillées, mais j'l'admets, rien de tel que représenter le quartier de sa mère. On est sans queue, c'est mille dollars. On est sous bois de verre. VALD. On est sous bois de verre. MQNT, ma gueule. On est sous bois de verre. VALD. D'un 11e étage, des sans-queue sont à déménager. Certains jeunes ici sont fascinants. Rêvent d'être un gravillon dans l'engrenage des bâtiments. Car c'est la honte d'être un gosse des pavillons ou quasiment. Alors ils montrent qu'ils sont pas mignons en s'agitant. Tant que le racket le deal, même les baskets le disent. La rue allait le vise, excite ses partisans. Mais fils, t'as pas raison, nique ta mère. Petit faguette, continue si t'as derrière. Si elle, pauvre con, tu fais la même chose que quand tu bolosses une vieille avec tes frères colons. Eh, c'est quoi le blême pro? Foutre la merde, c'est ton cri de détresse. Abruti, t'es le cafard qui s'est pris le système, j'hallucine. Éteins si tu vois pas la propagande à la télé qui adore que t'es que la mort à vendre. Je t'emmerde et je dédicace les frères qui rament vrai. Les airs si graves sont les visages en bref. Les autres putes sont dérisoires. Tout le monde. On est sous bois de verre. Les sans queue, c'est mille dollars. On est sous bois de verre. VALD. MQNT, ma gueule. T'aimes pas quand je parle de cul dans mes textes? Hein? Mais je reste un homme, ma gueule, qui aime les gourdasses. Et je mets du sens derrière chaque verset. Des mineurs, j'exige 4 feuilles de rédac pour me baquer. Ouais, faut qu'on sache que NQNT peut être vérifié, c'est guerre de la haine récupérée. Sérieux, je suis dans le thème quand je dis que ça n'a pas de sens. Quand on sonne à ta porte parce que brûle un 50 cc sur le palier, mais que le gardien joue, lance des pétards. Ouais, c'est ça le 15 août. Et comme le Tamien tourne, certains gamins boutent plus. Ça devient cool de se dire foutu, agissant dans les vices des alentours. Et l'Odyssée avance pour ce enquête de châtiment. Enquête de châtiment. NQNT. On est sous bois de verre. Et sans queue, c'est mille dollars. On est sous bois de verre. VALD. NQNT, ma gueule. On est sous bois de verre. VALD. À l'instant, sur Skyrock, le morceau qui s'appelle All Nez Sous Bois, extrait du projet. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, j'ai oublié quelque chose. Non, tout à fait, All Nez Sous Bois, BER. Ah, All Nez Sous Bois, BER. Tout à fait. Extrait de NQNT de Val, notre invité, toute la semaine entre 20 et 21. Val, est-ce que tu es prêt maintenant pour le live? Ah, si tu veux qu'on se fasse un live, on y va. Avant de remettre un morceau pour conclure le Planète Rap, ou un morceau avant, comme tu veux. Vas-y, c'est toi qui gère, je ne sais pas c'est quoi le mieux. Ce que t'as envie. Ce qui te mettrait bien. Est-ce que t'as envie d'avoir de mettre un morceau et après t'attaques le live? Est-ce que... Vas-y, viens, on rigole, on fait le live tout de suite. Allez, prêt? Le morceau s'appelle Partout Atis. Tout à l'heure, on parlait justement des clips, des images qui sont dispo. Vous pouvez mater aussi Partout Atis. Ouais, gros clip d'ailleurs. Et là, c'est. Ouais. Voilà, spéciale dédicace à la police nationale. Bien barré aussi celui-ci. Ouais, totalement. Partout Atis. Prêt? Vas-y, je suis prêt. Vous pouvez mettre du son dans le studio, les frères. Defus, Bachir, Mercus, BBP, Dolor, Giorgio, Jabi. NQNT dans les bacs, VALD. Et... fais poitique, pédophile satanique pour le Zeyo. Juste au cas où que le très haut implique, m'explique qu'il existe et que mes côtes vont plaire au cabot. De l'enfer à jamais, l'enfer, j'en ramène, c'est mes rimes, j'te jure que ça ranime. Même ta mamie, ça va vite, ça fait pas le début. La fuite vaginale à la rive, c'est la misère. Chaque anniversaire, j'ai de nouveaux MC pour mon dessert. J'vais finir au baiser, bien des hautains, aigris des autres mecs, comme un over féministe. Vous me faites plus rêver, ça m'énerve, j'aimais bien, bien sûr que j'aimais bien, c'est Gus qui me parlait de rien, de pute et de bien, bien plus que de bien, oui, de bits qui se gagnaient dans des districts mystiques, à l'heure où les villes s'y se battaient pour des sixties, chargés que j'ai la peau d'un mec né dans des sixties. Oui, fils de pute, c'est moi caché, donc tu vas tâcher, bien faire gaffe à ta moustache et pas me fâcher, ou ton polo tapette, je vais le tâcher, t'aspèche. Sors le bourbon, j'arrive dans mes bourgeons, drain, braque les fourgons de l'abri. Savez-vous qu'on baisse tout? Partout ma clique passe là, fout le cri de joie, partout t'attise. Pas partout ma clique passe là, fout le cri de joie, partout t'attise. Pas partout t'attise. Sors le bourbon, j'arrive dans mes bourgeons, rêve. J'braque les fourgons de la brinque. Savez-vous qu'on baisse tout? Partout ma clique passe là, fout le cri de joie, partout t'attise. Pas partout ma clique passe là, fout le cri de joie, partout t'attise. Pas partout t'attise. Okidoki, lève ta foutue main pour Sully Van. Et fais gaffe à ta moustache. Je ramène la paix comme une bombe nucléaire. Ma son sur mes nerfs, niaque son sur mes lèvres. Chaque seconde j'évolue, car dans le multi-ex j'ai mis de l'uranium. Quand je potionne, je casse trop nuquetec. Oui, trop nuquetec. Trop nuquetec, je casse trop nuquetec. Quatre fois, je fais le don du dessin. Chaque strophe, plus d'or, j'ai ma tombe à custom. Je vis dans un film érotique où les figurantes sexiques, même plus correctement, c'est le bordel, je te mens pas. Faudrait que tu vois ces beats, j'ai mire pour un modèle de montre. Suis pas la troupe, c'est le suicide à la fin, tu sursis. Survivre, c'est mon premier succès. Je suis une safe pour soigner mon ulcère. Shootir du bif à l'industrie, super, Sullivan. Clope sévère, corset sévère, chope tes pères, c'était gold. Des guerres, je les fais ken par des rocs. Vénère, en leur sang croix, je connais d'or. C'est le rap va mal et j'ai pas le remède. Toutes ces putes dans du barbelé, ouais, c'est sûr, c'est d'à peu près, mais c'est pas le problème. Sullivan rock, fais l'heure. Sors le bourbon, j'arrive. Dans mes bourgeons, rêve. J'braque les fourgons de la brinque. Savez-vous qu'on baisse tout? Partout ma clique passe là, fout le cri de joie, partout t'attise. Pas partout ma clique passe là, fout le cri de joie, partout t'attise. Pas partout t'attise. Sors le bourbon, j'arrive. Dans mes bourgeons, rêve. J'braque les fourgons de la brinque. Savez-vous qu'on baisse tout? Partout ma clique passe là, fout le cri de joie, partout t'attise. Pas partout ma clique passe là, fout le cri de joie, partout t'attise. Pas partout t'attise. Sullivan, le Facebook c'est VALD, le Twitter c'est VALD tiré du bas LD, l'Instagram c'est VALD Sullivan, le site c'est VALD.tv. NQNT, partout disponible. Le 15 avril à la maroquinerie. Le 15 avril à la foutue maroquinerie. Il faut venir. Faut venir, les places sont disponibles quoi, vraiment. VALD. VALD, Vald, ouais. Avec nous. C'est vrai que ça kick, hein, Tunisien. Ça kick sévère, non ? Ça kick sévère, hein ? Ouais, ça rappe, hein. Partout Tatis en live à l'instant. Et vraiment, ouais, allez mater le clip aussi de Partout Tatis qui est dispo un peu partout. C'est vrai. Avant qu'il ne disparaisse. Non, non. Celui-là, il est bon pour rester. Ouais, celui-là, il va rester. Ouais, ouais. Il a été sauté, mais tranquille. NQNT, c'est à découvrir entre 20 et 21. On va aussi, donc, on le disait, évoquer l'avenir. L'avenir, c'est donc les tournées. C'est là-dessus où il devra se concentrer, Vald. L'avenir, c'est les tournées. C'est le prochain projet qui va sortir, logiquement, avant l'été, qui arrive. Mm-hmm. Qui s'appellera, originalement, NQNT 2. Bang! Et après. Ni queue ni tête, hein. Grosse exclusivité. Et après. Il s'appelait NQNT 2. Après, il y aura peut-être le 3, le retour. Ouais. Et après, il y aura le collector NQNT. Et après, sortir l'album que je pense appeler NQNT L'Appartenance. NQNT Genesis. Voilà. Donc, les tournées, c'est important. Ouais, les tournées, c'est important. C'est vraiment très important. C'est là où tu fidélises ton public. Non, et ce que je disais là-dessus, comme on en profite que vous soyez là, Tefa et Tunisiano, les choses qui doivent, voilà, pour Vald, qui est là où il doit faire gaffe, là où il doit progresser, quels sont les conseils que vous lui distillez? Toujours regarder quand il traverse la rue, que le bonhomme soit vert. Ouais. Faire attention quand il y a le bip dans le métro. Un tramway, c'est vite arrivé aussi. Un train peut cacher un autre, hein. Et surtout d'être plus attentif quand il conduit sa voiture. Ouais. Ah, il y a un truc avec ta bagnole. Ouais, non, je sais pas, les gens n'aiment pas ma conduite. Bon. Eh ben, c'est pas toi, Mercus, j'ai vu la casse d'aide là. Non, c'est AD qui avait posé la question. C'est qui a posé la question. Moi, je monte pas avec lui, je prends pas de risque. Qu'est-ce qu'ils ont avec toi? T'as une mauvaise conduite ou quoi? Bah, je sais pas, en fait. Moi, je conduis, j'ai l'impression de bien conduire. Et c'est ce que je précisais dans ce. Il paraît que t'as rien égratigné pour l'instant. Voilà, c'est ce que je précisais. Alors, je conduis mal, d'accord. Parce que j'ai dû ranger la voiture une fois pour éviter qu'il. Moi, je cartonne pas. Alors qu'il y a des gens, oui, je conduis bien ma bite, mais ils arrêtent pas de cartonner. Change de voiture toutes les semaines, hein, mec. Je vois pas de qui tu parles. Ouais, franchement, pas de nom. Moi, c'est je sais. C'est pas tunisiano. Non, non, c'est pas tunisiano. Non. C'est plutôt des fins conducteurs autour. D'accord. Et pas de nom. Ouais, non, non. Peut-être dans le 2, NQNT2, tu balances. Ouais, c'est des histoires d'assurance. Si vous achetez NQNT2, vous aurez le nom vous aurez de cette personne. Bon, avant de se quitter, on met un morceau, lequel? Mettons Sullivan. Alors, un petit mot sur Sullivan. Sullivan qui est l'annonce de la prophétie. C'est tout ce qui va se passer est décrit dans Sullivan. Et c'est l'hymne. Donc le mieux c'est de l'écouter en c'est fait. C'est comme une incantation. Il est le si tu démon, écoutes trop Sullivan, je peux apparaître sous ton lit. Le démon. Il peut sortir du placard. Bitch. La légende veut que Sullivan ait au moins 300 ans. Il laisse les blarfs ensemble, il lève les bras grande tente. Les mamelles, les lamelles et les lames tranchantes. Furent les jouets, les loisirs, Sullivan enfant. Là tu le nies pas franchement, tu espères que c'est qu'un Michel. Là c'est la guette, ton placard tremblant. Jette un œil sous le lit, transpire dans les escaliers. Vire tes fesses devant le miroir, il pourrait peut-être passer. J'ai ta peur, mais range ton flingue zinc. C'est Sullivan, ça suffit pas les bang bang. Futile absurine à vue, c'est dingue. Viens voir les dentiers claquer, ça fait clang clang. Berk t'es l'immense rêve, je l'esquivais en crête. Il a une armée d'apprentis charmanteux, c'est pire qu'Halloween. Gare aux âmes sensibles au 06-69 93-610. Certains disent Sullivan erre dans la ruelle. Il descend capuché, dans ta chatte glisse un annulaire. Vend à part il fait, ce vie personne l'a vu faire. J'te dis quand ça parle vraiment y'a du vrai. Regarde l'adultère. Il laisse des trous, pèse des frères en père en pleine débauche. Pèse tes mots, sinon pèse tes boules sur tes épaules. Pèse tes échos, certains peuvent le croire. Mais laisse frérot, la vie change pas comme ça. Après cette bédo, jamais. Arroser vos soirées moroses avec du rosé. Jusqu'à la rosée du matin dans le gosier. Du Tamien, Sully récupère les âmes des feutres comme le dernier des wagons du train 1. Donc, jamais mâcher de bite, c'est pour commencer. Voilà. Donc, prenez garde la nuit blanche à vos pensées. Voilà. Donc, jamais graver le titre pour s'assurer que votre âme est en sûreté et adulée. Ce que vous dites est vrai. Il se pourrait que les forces du mal aient pris possession de ma propre création. C'est une possibilité. Renseigne-toi. VLD Sullivan. S-U-L-L-Y-V-A-N. Ainsi tout le monde devient fou. La vie c'est comme une fouffe, le mal agit. Ainsi tout le monde devient fou de lui à l'asile. Sullivan arrive, franchement t'es made et c'est gay, je sais que t'es pas naïve. La vie c'est comme une fouffe, le mal agit. Ainsi tout le monde devient fou de lui à l'asile. NQNT, partout disponible sur VALD.tv et sur iTunes et Google Play et Amazon. Fais attention à ta moustache. Le mec est complètement dingue. J'ai peur. Le mec est complètement barré. Vald avec Sullivan à l'instant avant de se quitter. Merci à vous en tout cas pour cette soirée. Merci Tofa, merci. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est là, Sullivan, c'est Sullivan, il y a les machines sont possédées. Ouais, il y a eu un truc mystique. Voilà. Mettons un autre extrait. Qui a embrayé sur la suite du projet. Ça y est, c'était parti là. Bon, merci à Tofa, merci à Tunisiano. Ouais. Pour vous, 2015, année chargée, Tofa. Hein. Ouais, grosse année. Franchement, ça travaille. Et, ça travaille. Lino, sur lequel t'as bossé. Ouais, Lino, ben, c'est 2 ans de taf, donc ça sort. Mm-hmm. On a des très très bons retours. Bang. Et avec le morceau qui tourne sur Skyrock, ben là, oui, qui le morceau avec, il y a quelques jours. Ben oui, et donc on est très très content. Et on vous remercie. Avec une jeune fille, tiens, présente-nous un petit peu la jeune fille qui est présente sur le morceau avec Lino. C'est la chanteuse de Mutine, Manon. Manon. Qui n'a rien à voir avec l'univers du hip-hop. Elle est plus dans la pop-rock. Et nous, on adore ce qu'elle fait. Et je pense qu'elle nous a fait un super refrain et que c'est une très très bonne artiste. Eh ben, on salue Manon et Lino, donc 12 janvier. Hein. Voilà, 12 janvier. Et sinon, moi, je voulais. Il y a mes réseaux sociaux aussi, donc sur l'Instagram, te fabuleux. Une rosta, et le mec est tout le temps. Non, mais TMP, tout le temps, c'est hyper important. Non, mais c'est TMP, hyper important. Le mec est tout le temps. T'arrives même pas à dire le nom de mon émission convenablement. TPMP. Voilà. TPMP, ouais, ok. Voilà. Mais non, vous cliquez dièse TPMP, vous tombez sur TFA direct. Pas, quoi. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc, bah, en tout cas, merci pour Vald et merci pour cette zone d'expression pour lui. Et bah, merci à toi, Tunisiano. Oui, monsieur. Solo. Non, c'est pas prévu pour pas le moment. En tout cas, je continue de travailler sur différents projets. Je continue d'écrire pour différents artistes. Et puis, en tout cas, là, on va se concentrer sur Vald. J'espère que 2015, il va tout arracher. Donc, voilà pour l'avenir. Ben, on suivra ça 2015, merci Vald, merci Mercus, projet aussi Mercus, du solo, un 16 mesures quelque part. De l'ombre, du travail, de la sueur et des récompenses avec des albums vendus, des passages radio et le meilleur de mes artistes. Mais en revanche, vous pouvez, si vous cherchez bien, trouver des couplets obscurs de Mercus. Ne cherchez pas. On en trouvera peut-être pour demain. On rencarte demain entre 20 et 21 avant de se quitter la roulette. Skyrock t'offre une Citroën C1 d'une valeur de 10 000 euros, des fringues Watibé, plus l'intégrale du Watibé en CD. Avec Anaïs, joyeux Noël Anaïs de Massillard, ça va bien? Ça va bien. Ça va en pleine forme, t'as été gâtée? En pleine forme, plein de cadeaux, c'est génial. Et les cadeaux continuent sur Skyrock, tu imagines? Hop, jour de Noël pour toi. Ah, oh, c'est trop bien. En ce 25 décembre, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Eh ben voilà, Total Watibé pour toi. Ah, c'est trop avec bien, le t-shirt aussi Watibé qui va avec. Et puis attention Anaïs, je prends ta petite fiche, je la mets dans l'urne, dans le chapeau Skyrock. Tirage au sort le 5 janvier entre 6h et 9h avec le retour de Difool et toute l'équipe du Morning. Peut-être une voiture, une C1 d'une valeur de 10 000 euros pour toi. Alors, pour conduire, peut-être pas tout de suite, Anaïs, hein, parce que t'as 15 ans. Non, pas tout de suite. Mais ça peut peut-être faire plaisir à la famille, ou alors, je pense, en revente, 10 000 euros, ça fait toujours plaisir aussi. On te fait un bisou, Anaïs. Ben, merci. Passe une bonne soirée, un joyeux Noël encore une fois de plus à tout le monde. Merci à vous tous, Vald. Vald, le retour demain, à pas louper, le retour demain. Et je crois que c'est une grosse soirée de prévu demain, Vald. Hein. Apparemment, on va faire encore un grand freestyle. Donc loupez pas demain le retour entre 20 et 21. Totalement. Et NQNT toujours digitalement dans les bacs. Toujours. Avec des invités de folie furieuse. Et bah loupez pas demain. Préparez vos 10K. 20-21. Et là il est grand temps de retrouver Difool. C'est parti, c'est la radio libre. Amen.